Chapitre 7. Les pharisiens et quelques maîtres de la loi, venus de Jérusalem, s'assemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples mangeaient leur nourriture avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées selon l'usage religieux. En effet, les pharisiens et tous les autres juifs obéissent à l'enseignement reçu de leurs ancêtres. Ils ne mangent pas sans s'être lavé les mains avec soin, et quand ils reviennent du marché, ils ne mangent pas sans s'être lavés d'abord. Ils obéissent à beaucoup d'autres coutumes qu'ils ont reçues, telles que la bonne manière de laver les coupes, les pots et les marmites de cuivre. Les pharisiens et les maîtres de la loi demandèrent donc à Jésus : Pourquoi tes disciples n'obéissent-ils pas à l'enseignement transmis par nos ancêtres, mais prennent-ils leur nourriture avec des mains impures ? Jésus leur répondit : Ésaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet : Vous êtes des hypocrites, ainsi qu'il l'écrivait. Ce peuple dit Dieu m'honore avec des paroles, mais dans son cœur il est très loin de moi. Le culte que ces gens me rendent est inutile, car ils enseignent des commandements faits par les hommes, comme si c'était des enseignements de Dieu. Vous mettez de côté les commandements de Dieu, dit Jésus, pour obéir aux enseignements donnés par les hommes. Puis Jésus ajouta : Vous savez fort bien rejeter le commandement de Dieu pour vous en tenir à votre propre enseignement. Moïse a dit en effet : Respecte ton père et ta mère. Et celui qui dit du mal de son père ou de sa mère doit être mis à mort. Mais vous, vous dites que si un homme déclare à son père ou à sa mère : La part de mes biens que je pourrais utiliser pour t'aider est corban, ce qui signifie don réservé pour Dieu. Vous ne lui permettez plus d'aider son père ou sa mère. De cette façon, vous détruisez la valeur de la parole de Dieu par l'enseignement que vous vous transmettez les uns aux autres. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Puis Jésus appela de nouveau la foule et leur dit : Écoutez-moi, vous tous, et comprenez ceci. Rien de ce qui entre en l'homme du dehors ne peut le rendre impur. Mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le rend impur. Quand Jésus eut quitté la foule et fut entré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Et il leur dit : Êtes-vous, vous aussi, incapables de comprendre ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre en l'homme du dehors ne peut le rendre impur, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et sort ensuite de son corps ? Par ces paroles, Jésus déclarait donc que tous les aliments peuvent être mangés. Et il dit encore : C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Car du dedans, du cœur de l'homme, viennent les mauvaises pensées qui le poussent à mal agir, à voler, à tuer, à commettre l'adultère, à vouloir ce qui est aux autres, à agir méchamment, à tromper, à vivre dans le désordre, à être jaloux, à dire du mal des autres, à être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans la région proche de la ville de Tyr. Il entra dans une maison et il voulait que personne ne sache qu'il était là, mais il ne put rester caché. En effet, une femme dont la fille avait un esprit mauvais entendit parler de Jésus. Elle vint aussitôt vers lui et se jeta à ses pieds. Cette femme était étrangère, née en Phénicie de Syrie. Elle pria Jésus de chasser l'esprit mauvais hors de sa fille. Mais Jésus lui dit : Laisse d'abord les enfants se nourrir, car il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiens. Elle lui répondit : C'est vrai, maître. Pourtant les chiens sous la table mangent les morceaux que laissent tomber les enfants. Alors Jésus lui dit : À cause de cette réponse, tu peux retourner chez toi. L'esprit mauvais est sorti de ta fille. Elle retourna donc chez elle, et là, elle trouva son enfant étendu sur le lit. L'esprit mauvais était sorti d'elle. Jésus quitta ensuite la région de Tyr, passa par Sidon et revint vers le lac de Galilée, à travers la région des 10 villes. On lui amène un homme qui était sourd et avait de la peine à parler, et on le prie de poser la main sur lui. Alors Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme « Ephphatha », ce qui signifie « ouvre-toi ». Aussitôt les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue fut libérée et il se mit à parler normalement. Jésus recommanda à tous de ne raconter cela à personne. Mais plus il leur recommandait, plus ils en parlaient. Et les gens étaient étonnés au plus haut point. Ils disaient « Tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait même entendre les sourds et parler les